Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 3. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 25 septembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Bretzel, tu es Schnaps, tu es Bayern de Munich, tu es Alexanderplatz et tu es aussi... Ich liebe dich, meine Liebe. Oui, tu l'auras compris, ce matin, nous rendons visite en Birkenstock à nos voisins germains et faisons place à l'Allemagne. Au siècle dernier, ton ennemi, c'est l'Allemand. Verdun, Oradour, Nuremberg, des noms qui résonnent dans ta mémoire comme une tache brune. Mais depuis 40 ans, nos deux nations se sont infiniment rapprochées pour former un couple moteur de la construction européenne. Alors c'est quoi les relations franco-allemandes? À quoi ressemble l'Allemagne d'aujourd'hui? Eh bien, de la fête de la bière en Bavière à la chute du mur de Berlin, de Benoît XVI à Bixschentelisarazu, de ta Mercedes-Benz à ton eau de Cologne, de la chancellerie au Bundestag, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de ta cousine germaine, l'Allemagne. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actualités allemandes de la semaine. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. Make you stronger. Cream, c'est Prince en 1991 dans l'album Diamonds and Pearls, du funk à l'état pur. Cream, car la crème, c'est quand même la base de la forêt noire, certes un gâteau, mais c'est surtout un des piliers de l'amitié franco-allemande. Alors, pour entamer notre exploration de l'Allemagne, alors que des élections viennent de chambouler la vie politique des Allemands, que le Salon international de l'automobile à Francfort ferme ses portes aujourd'hui et que la fête de la bière bat son plein, nous allons nous arrêter un moment sur les relations franco-allemandes. Déjà, il faut dire que quand tu regardes l'histoire de France, sur le temps long, pour la France, l'ennemi, ce n'est pas l'Allemand, non, l'ennemi, c'est l'Anglais. De la guerre de Cent Ans à Fashoda, de Jeanne d'Arc à Sainte-Hélène, les Français ont longtemps été anglophobes et germanophiles. Ce n'est qu'à la fin du 19e que la situation s'inverse. Et oui, les relations franco-allemandes ont été tendues à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e. On a quand même réussi à se faire la guerre trois fois en 70 ans, c'est pas mal. Aujourd'hui, la France renoue avec l'amitié franco-allemande et s'éloigne des Britanniques. Les relations franco-allemandes sont surtout faites d'échanges culturels réciproques. C'est sûr, les Allemands sont fascinés par notre culture au point de nous avoir envahis trois fois. En 1870, puis en 1914, puis en 1940. D'ailleurs, à chaque fois, il est des Français pour s'extasier de la connaissance que nos voisins ont de notre culture. Merci, Général Punch. Spontz. Général Spontz. Bien, je vais vous laisser. Wir brauchen so 500 Haus. Aber durch unsere sofortige Verstärkung wurden wir 3000, als wir am Hafen ankamen. Goethe! Nein, Corneille! Bravo, quelle culture, Général! Bravo! Merci, bravo! Bravo, Bernadette, tu as fait une touche avec Spontz! C'est clair, certaines ont une touche avec Spontz. La Seconde Guerre mondiale et les quatre années d'occupation très dures ont profondément marqué les Français. Cela dit, après la guerre, pour construire la paix, il est nécessaire d'intégrer l'Allemagne à la construction européenne. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951, puis la CEE, en 1957, se font avec l'Allemagne. Les relations franco-allemandes prennent un vrai tournant en janvier 1963 avec la signature à l'Élysée du traité de l'Élysée. Après avoir signé le traité, le chancelier allemand Konrad Adenauer prend le général de Gaulle dans ses bras, dont général président en est tout ému. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toute grande les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Inimitable le grand Charles. À partir de 1963, les relations franco-allemandes changent donc profondément de nature. Après les années de tension, c'est l'amour fou. Depuis les années 60, dans les relations franco-allemandes, si les hommes changent, les sentiments restent aussi forts. Au couple Adenauer-De Gaulle succède le couple Giscard-Schmitt. 21h, hier soir à Blesheim, un petit village de 950 habitants à 20 km de Strasbourg. Au moment où la cloche sonnait, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt passaient de la petite marmite Henri IV au tourne-dos strasbourgeois. Valéry Giscard d'Estaing s'est contenté d'annoncer deux décisions prises après le parfait à la framboise. La première, c'est d'établir une ligne de télétype entre nos bureaux. Et ce ne sera pas une ligne rouge, ce sera une ligne verte, en raison de la nature de nos relations. Et oui, avec la ligne verte, l'histoire d'amour continue. Mais il est difficile de construire l'avenir sans s'occuper du passé. Et entre la France et l'Allemagne, des plaies restent à cicatriser. Verdun, par exemple. En 1916, sur une zone réduite, plus de 300 000 hommes, allemands et français, furent tués. Près de 400 000 autres furent blessés dans de vaines offensives commandées par des états-majors jusqu'aux boutistes. Bonsoir. S'il y avait un symbole pour marquer la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'était bien Verdun, le plus grand charnier de l'histoire des deux peuples. François Mitterrand et Helmut Kohl sont allés cet après-midi se recueillir ensemble à Douaumont et à Verdun. Ensemble, ils ont salué la mémoire des 700 000 soldats qui sont tombés durant les 10 terribles mois qu'a duré cette bataille en 1916. En 1984, donc, pour le 70e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, le président de la République française rencontre à Verdun le chancelier allemand. Le symbole est puissant et l'image fait le tour du monde. Président Mitterrand et chancelier Kohl, dans leur long manteau noir, debout, l'air grave, devant une gerbe de rose, ils se tiennent par la main. Et oui, avec la réconciliation franco-allemande et la construction européenne, les lendemains européens ne font plus peur comme au début du XXe siècle. L'incroyable histoire d'amour franco-allemande se poursuit à la fin des années 90 avec un nouveau couple, Chirac-Schröder, qui se retrouve dans leurs politiques européennes et dans leur amour de la bière. Le couple Chirac-Schröder, c'est du solide. Serre-toi encore plus fort, t'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre ma joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Alors, que nous réserve l'avenir des couples franco-allemands? Eh bien, jusqu'à dimanche dernier, les gazettes avaient un pronostic. Elles voyaient bien les relations franco-allemandes se construire autour d'un duo conservateur et libéral, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de la mine à la mort. C'est un peu plus compliqué que prévu, le couple Sarko-Merkel. Mais il faut tout de même nuancer les bonnes relations franco-allemandes après la guerre. Il y a eu quelques grosses tensions, mais c'est normal, ça arrive dans tous les couples. La plus grosse altercation a eu lieu un soir d'été, le 8 juillet 1982. L'équipe de France doit affronter la République fédérale d'Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde de football à Séville, au stade Sanchez-Pizjuan. Mondial, demain c'est le grand jour pour les tricolores qui se retrouvent en demi-finale contre les Allemands. Bonne nouvelle, le buteur allemand Rummenigge restera sur le banc des remplaçants demain à Séville. Côté français, Rocheteau jouera bien. En tout cas, à la veille de ce choc historique pour les footballeurs français, Michel Platini est dans ses petits souliers et il donne à son équipe 40% de chances de l'emporter. Un pénalty pour la France, car Rocheteau a été accroché par Forster. Pénalty pour l'équipe de France. Sur ce coup franc donné par Giresse, la balle est arrivée sur la tête de Rocheteau, qui a été bousculée par Foster. C'est un pénalty qui se situe à la 26e minute de jeu. Occasion unique donc pour l'équipe de France de revenir au score. Platini, le capitaine français, qui va tirer ce pénalty qui est face au gardien allemand Harald Schumacher. Platini qui s'élance, qui frappe et qui marque. But! C'est énorme. Et puis, à la 59e minute, Platini lance Batiston seul vers le but de Schumacher. Le goal allemand sort de sa surface et heurte violemment et volontairement l'attaquant français. Patrick Batiston reste cloué au sol, inconscient d'encassé et traumatisme crânien. La France perd le match lors de la séance des tirs au but. Ce 8 juillet 1982, elle en a pris un coup, l'amitié franco-allemande. Et si Batiston s'est fait casser la tête, c'est parce que Schumacher a joué à la Panzer Division et ce n'est pas du tout en se prenant les pieds dans ses lacets. Tes lacets sont défaits, tu marches dessus. Tu les laisses traîner, tu marches dessus. Mes lacets sont défaits, je marche dessus. Je les laisse traîner, je marche dessus. C'est dommage d'écraser de si jolies fées. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Ce sont des faits, je t'embrasse dessus. Tu es vraiment têtu. Je t'embrasse dessus. Regarde ce que tu fais, tu lèches mes lacets. C'est parce que tu es une si jolie fée, trop bien à embrasser. Oh oui. côté de moi. Mais quelle dernière fois, je ne me souviens pas. Oh, s'embrasser en plein ciel, au-dessus du ciel. Ah oui, ah oui, ah oui, je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. J'ai décroché mon ombre pour mieux t'enlacer. T'as décroché ton nom pour mieux m'enlacer. Encore un peu plus près et tu disparais. Ses lacets sont défaits, c'est ce que chantent Mathias Malzeu et son Dionysos. Parce que c'est dangereux d'avoir tes lacets défaits, surtout quand tu cours vers Berlin pour devenir chancelière et que tu marches sur tes lacets, parce que tu te vautres. Alors pour continuer notre voyage au cœur de l'Allemagne, nous pouvons nous arrêter maintenant sur les stéréotypes, voire les caricatures que certains véhiculent encore sur nos cousins germains. Avant tout, l'Allemand est souvent perçu comme un gros buveur de bière qui chante, qui se tape les cuisses, qui engloutit des saucisses et qui ne boit que des chopes d'un litre. À Munich, les robinets sont ouverts pour la traditionnelle fête de la bière. Elle durera plus longtemps que d'habitude, 18 jours, pour coïncider avec l'anniversaire de la réunification allemande. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle devrait être arrosée, si l'on en croit ce témoignage, sans modération de Sigrun, une enseignante munichoise. Moi, je bois, ça dépend, 1 litre, 2 litres, mais bon, 2 litres, ça me suffit normalement. Après 2 litres, parce que la bière, elle est assez forte. À 2 litres, je suis assez bourrée. Et les autres, surtout les hommes, je veux dire, ils boivent entre, je sais pas, 3-4 litres, oui. L'année dernière, tout le monde dansait sur les tables quand ils ont beaucoup bu et tout le monde est beaucoup complètement saoul. Et les gens, ils commencent à chanter. Et quelquefois aussi, il y a des gens qui se mettent à poil sur les tables en dansant. Ah, y'a, toujours une grosse ambiance à Munich pour la fête de la bière. D'ailleurs, si toi aussi tu veux danser à poil sur les tables, sache que la fête de la bière se tient en ce moment en Bavière jusqu'au 3 octobre et que d'ici là, 6 millions de litres de bière seront descendus. C'est du sérieux. Mais attention, tout ce barnum se déroule toujours sans aucun débordement. Parce qu'une autre caractéristique de l'Allemand, c'est l'ordre et la discipline. Un Allemand, c'est parfois un peu rigide. On ne déconne pas avec le règlement. Par exemple, si tu traverses une rue à Francfort alors que le petit bonhomme est encore rouge, c'est clair, tu cherches forcément à déstabiliser le régime. C'est vrai que de temps en temps, t'aimerais bien leur dire aux Allemands un peu coincés. Mets de l'huile ! Mets de l'huile ! Oui, mets de l'huile ! Cela dit, en réaction sans doute à cette curieuse autorité culturelle, certains Allemands ont fait le choix d'une autre voie. En effet, il peut arriver également de croiser des Allemands avec des cheveux longs dans un combi Volkswagen orange, un brin beatnik et qui lisent Der Spiegel, le magazine sentinelle de la démocratie allemande. Aux élections de dimanche dernier, l'Allemand progressiste a surtout soutenu Joschka Fischer, le candidat vert qui a obtenu 8% des voix. Mais son véritable héros, c'est Dany le Rouge, le malicieux Daniel Cohn-Bendit. En général, l'Allemand progressiste est souvent proche de Dame Nature, il déteste l'industrie nucléaire et l'été, quand il est en vacances, il apprécie le simple appareil, il ne s'encombre pas. Soit naturiste ou pas d'ailleurs, l'Allemand a aussi la réputation de prendre soin de son corps. Une véritable culture du sport, le cousin germanique est souvent perçu comme une armoire à glace. La défense de la Mannschaft, l'équipe nationale de football, pratique un jeu musclé, autrement dit rude sur l'homme. Le sport en Allemagne, c'est une affaire nationale, tout le monde doit transpirer. À 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là aussi, on ne rigole pas avec l'exercice physique. Enfin, le travailleur allemand, déjà à l'époque du Deutschmark, a toujours eu la réputation d'avoir un pouvoir d'achat supérieur à celui de ses voisins européens. Un billet de 500 euros, madame, ne lui a jamais fait peur. Du coup, quand le travailleur allemand débarque à Paris, il vient claquer sa thune sur la plus belle avenue du monde. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, Sonnenschein, Regen, Wind, ganz egal, wir beide sind, so froh, wenn wir uns wiedersehen, aux Champs-Élysées. Flamber sur les Champs-Élysées, sans doute, mais l'Allemand est aussi un homme comme les autres, et quand il débarque à Paris, il n'y a pas que les boutiques de luxe qui profitent de son pouvoir d'achat. Ici, c'est un Mädchen vom Place Pigalle, die helfen ganz bestimmt in meinem Fall. Sie kennen jeden Trick, sie spielen jedes Spiel. Seitdem ich dorthin gehe, weiß ich von Liebe viel. Die süßen Mädchen vom Place Pigalle. Ah, Paris, dit Kleine Française. Alors, pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'Allemagne, nous avons joint cette semaine au téléphone un champion du monde, un titulaire du Bayern de Munich, un Basque en Bavière, le sympathique Bixente Lizarazu. Pour commencer, nous avons demandé à Lizarazu, après ses 8 ans passés en Allemagne, quelles étaient ses impressions générales sur les Allemands. Réponse juste après le jingle. Les Allemands adorent le sport et adorent le football et c'est l'endroit où il y a le plus de supporters. Et c'est un championnat qui est extrêmement vivant. Il y a une super ambiance sur les terrains et aussi dans le stade. Je trouve qu'il y a beaucoup de tolérance en Allemagne. Le respect de l'autre est très présent. Il y a beaucoup de discipline, mais une discipline qui est au service de la liberté. Voilà, c'est pas une discipline dans le mauvais sens du terme, hein, le côté un peu rébarbatif. C'est une discipline pour que les gens arrivent à mieux cohabiter les uns avec les autres. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'à Munich, je le ressens et c'est très, très agréable. Alors justement, puisque tu vis encore aujourd'hui à Munich, est-ce que tu penses avoir le temps d'aller faire un tour à cette fameuse fête de la bière qui bat son plein ? Oui, oui. De toute façon, traditionnellement, on a un repas qui est organisé, toute l'équipe du Bayern. Quand tu es munichois ou bavarois, tu ne peux pas passer les 2 semaines de fête de la bière sans au moins y aller une fois. Ça, c'est impossible. Donc, tu y es déjà allé, en fait, c'est ça ? Oui, ouais, j'ai déjà été. Ouais. Et tu as des souvenirs un peu sympas ? Oui, oui, j'ai des souvenirs sympas. C'est-à-dire que c'est vraiment une énorme, énorme fête. Je trouve que c'est une des plus grosses fêtes européennes. Les gens boivent beaucoup, évidemment, mais s'amusent aussi beaucoup. Bon, en général, nous, on y va surtout pour manger un bout et boire une bière et après on rentre parce qu'on a des matchs, donc on peut pas se permettre de faire les fous, mais bon, c'est dans la tradition des grandes fêtes. Vous savez, dans le sud-ouest, on est assez amateur des fêtes l'été, donc je sais pas si vous connaissez les fêtes de Bayonne ou les fêtes de Pampelune au Pays Basque. Voilà, ça peut se rapprocher de ça, mais version allemande et version bière, version culotte bavaroise. À propos de culotte bavaroise, on se souvient d'avoir vu Bixente Lizarazu en photo habillé en costume traditionnel. Cela dit, est-ce que tu as pris le temps d'apprendre à parler allemand? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire un ou deux mots? Ich habe keine Frisur, aber ich liebe die Natur. Et ça veut dire quoi? en fait, ça veut dire j'ai pas de coiffeur, mais j'aime la nature. Et en fait, c'est une chanson qui est chantée dans les stades. C'est une chanson un peu populaire. C'est une chanson vraiment qui se chante qu'à la fête de la bière, quand les gens sont très très fatigués. Tu peux nous la redire la phrase ? Ich habe keine Frisur, aber ich liebe die Natur. Look up at the night, planets are moving. The Speed of Sound, Coldplay, dans l'album X and Y, le mur du son, dans une émission sur l'Allemagne, parce que les Allemands, les murs, ils en connaissent un bout. En effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Les zones françaises, américaines et britanniques fusionnent et, dans un contexte de guerre froide, donnent naissance à la RFA en 1949, alors que se constitue à l'Est la RDA. Deux Allemagnes pour deux systèmes politiques opposés. La ville de Berlin, qui se trouve au cœur de la RDA, est également divisée en zones d'occupation. Les soviétiques font construire en 1961 le mur qui va séparer les zones occidentales de la zone communiste. Quelques mois avant son assassinat, le 26 juin 1963, le président américain JF Kennedy se rend à Berlin. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois, un message historique pour le monde entier, pour que le monde entier soutienne les Allemands de l'Est privés de liberté. Dans les années 80, la donne a changé, l'URSS est affaiblie et la perestroïka de Gorbatchev est passée par là. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'Est comme à l'Ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle, la liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne. Extraordinaire, sensationnel, en un mot historique, les qualificatifs n'ont pas manqué pour cet événement. C'est hier soir à 19h, en effet, que le gouvernement est-allemand a annoncé l'ouverture des frontières entre RDA et RFA. La nouvelle décision spécifie que le passage à l'Ouest est possible pour les ressortissants de l'Est avec des visas délivrés sans délai et à partir de ce matin. Mais encore une fois, la rue a été plus rapide que l'administration. Une foule enthousiaste s'est présentée au point de passage et les redoutables Vopo, les gardiens du mur, ont baissé les bras et les armes. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'écroule, incroyable. Erich Honecker, président de la RDA, totalement paniqué, réclame le soutien de Moscou, avant qu'il ne soit trop tard. Mais Gorbatchev lui répond « Niet ». Gorbi déchire le rideau. Le 3 octobre 1990, un an après la chute du mur, l'Allemagne est officiellement réunifiée. L'Allemagne reste encore aujourd'hui profondément marquée par cette réunification. Enfin, pas tant que ça. Les résultats des élections législatives du week-end dernier ont été assez surprenants. Les analystes politiques nous avaient annoncé une opposition Est-Ouest entre les anciens Länder de RDA et ceux de RFA. En réalité, l'opposition constatée est Nord-Sud. La Bavière et les États du Sud ont plutôt voté conservateur, tandis que le Nord a voté SPD. Cette géographie politique n'avait pas du tout été prévue. Et ce ne fut pas la seule surprise, dimanche soir. Premières estimations des élections en Allemagne. La droite d'Angela Merkel est en tête, mais avec trop peu d'avance pour diriger seul le pays. Quel type de coalition, avec quel parti, qui sera chancelier? Beaucoup d'interrogations, alors que d'un côté, Angela Merkel prend les rênes des négociations et que Gerhard Schröder affirme lui vouloir rester chancelier. Angela Merkel, première femme candidate du parti conservateur CDU, a été annoncée de longue date comme la future chancelière. Les instituts de sondage Teuton avaient prédit, chiffre à l'appui, son écrasante victoire. Angela se voyait déjà en haut de l'affiche chancelière. Ce fut la douche froide. L'Allemagne semble aujourd'hui difficilement gouvernable. Des alliances vont être nécessaires et on ne sait toujours pas qui sera chancelier. Affaire à suivre. Pour continuer maintenant notre exploration de l'Allemagne d'aujourd'hui, après la politique, nous pouvons nous arrêter maintenant sur l'économie. Notre voisin germain est, après la Russie, le pays d'Europe le plus vaste et le plus peuplé. 82 millions d'habitants dans la troisième puissance économique mondiale. Et même si le chômage persiste, l'année dernière, l'Allemagne fut le premier exportateur du monde, grâce entre autres à la construction automobile. Ça se passe à l'arrière du Merco, Benz, Benz, Benz. Ouais, du côté de Sané, bébé, je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz. Gueule, quand tu boignes, ton bon passe avant dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zoom, dans ta Benz, Benz, Benz. Gueule, quand tu boignes. Alors que le salon international de l'automobile à Francfort ferme ses portes aujourd'hui, la Merco-Benz demeure un des fleurons de l'économie allemande. Mais les Allemands ne dominent pas qu'avec leur industrie de pointe. Ils ont su trouver, dans des productions artisanales, une valeur sûre. Alors pour mieux comprendre cela, panique au Mangin Palace a innové et a dépêché sur place un envoyé spécial, Émile Fouchetard. Émile Fouchetard, vous m'entendez ? Eh oui, Philippe Collin, je suis en Allemagne, pays limitrophe où je me rends souvent, respectant en cela l'adage du poète-chanteur, je vais et je viens entre le Rhin. Je me trouve en ce moment précis en Westphalie, dans la charmante bourgade de Köln, plus connue en France sous le nom de Cologne. Cologne, célèbre pour sa cathédrale et surtout pour son eau parfumée, l'eau de Cologne. Car les Allemands sont non seulement des gens polis et ponctuels, mais aussi des gens propres, soigneux, qui aiment le bien-être et la fraîcheur. Je suis au 12 Kaiserstrasse, dans une petite parfumerie où s'entassent des centaines de flacons contenant cette eau de Cologne, en compagnie d'une charmante hôtesse, Magdalena, aux yeux noisettes, avec des macarons dans les cheveux d'or, qui me fait découvrir les multiples fragrances de cette eau si vivifiante. Bruyère, lavande, anis, muguet, églantine, romarin, anis. Oui, je l'ai déjà dit, merci Magdalena. Bref, il y a ici un paradis de senteurs qui vous laisse sur le cul, n'ayons pas peur des mots. Et contrairement à la politique du Bundestag, ici on ne craint pas les mélanges entre les arômes, n'est-ce pas Magdalena? Pour ma part, je vous avouerai que j'ai un petit faible pour l'eau de Cologne à l'anis qui n'est pas sans rappeler la Provence et ses terrasses ombragées à l'heure de l'apéritif. Tenez, Magdalena, soyez gentille, repassez-moi un petit flacon à l'anis. Merci. Donc, comme vous le voyez, mon cher Philippe Collin, je suis loin du tumulte politique qui agite les états-majors à Berlin, comme le dit cet autre poète Pascal, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et Magda, n'oubliez pas les glaçons. Merci. C'était Émile Fouchetard à Cologne pour Panique au Mangin Palace. Merci beaucoup Émile, prenez soin de vous et embrassez Magdalena pour nous. Alors, si du point de vue économique, l'Allemagne se porte bien, il n'en est pas de même pour la démographie. Le taux de natalité y est un des plus faibles d'Europe et depuis 1991, l'Allemagne enregistre plus de décès que de naissances. Dans le même temps, la population vieillit et les célibataires sont nombreux. 22% des Allemandes restent sans enfants, elles ne sont seulement que 8% en France. Alors pourquoi autant de femmes sans enfants en Allemagne ? Peut-être parce que la libido n'est plus la même après avoir passé une soirée dans la célèbre taverne bavaroise de Rothenburg. Pour mieux comprendre ce point délicat, Panique au Mangin Palace a envoyé un reporter spécial sur les lieux, Lucienne Leclerc. Lucienne Leclerc, vous m'entendez ? Lucienne ? Ici Philippe Collin. Écoutez Philippe, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis au cœur de la célèbre taverne bavaroise de Rothenburg, chez Hans Peter, pour la 26e édition de la fête de la bière, une édition toute particulière et une exclusivité pour France Inter, car rendez-vous compte, c'est Benoît XVI en personne, alias Joseph Ratzinger, alias le gros Jojo pour les intimes qui ne devrait plus tarder. Un pape qui a su rester très simple, hein, qui ne boude pas son plaisir et qui, de mémoire d'habitué, n'a jamais craché sur une petite mousse. Alors, vous imaginez à quelques minutes de son arrivée l'ambiance qui règne ici. Oh, les tables se garnissent de choucroute. Et allez, Bier über alles. Place à la musique, place à l'houblon et à l'eucharistie. Et oui, force est de constater que les jeunes Allemands d'aujourd'hui savent s'amuser. Ils improvisent sous nos yeux danses folkloriques et cabrioles. Quelle fraîcheur, quelle fougue. Ici, une danse du tapis. Et là, un je te tiens par la barbichette. Oh, ça me donne envie de battre la mesure. Si vous pouviez voir ça, et voilà, on rit tellement ici à Rothenburg que j'en ai perdu mes lunettes. Alors, je crois qu'il est plus sage de vous rendre l'antenne, cher Philippe. Et surtout, n'oubliez pas, un bon jarret confit et la vie vous sourit. Lucienne Leclerc en direct de Rothenburg pour Panique au Mangin Palace. Un bon jarret confit et la vie vous sourit. Merci, merci beaucoup Lucienne de ces éclaircissements. Et s'il vous plaît, embrassez de notre part Ratzinger 16, l'enfant du pays. Et oui, parce que pendant que nous parlons en Bavière, la fête de la bière, c'est reparti. Et quand tu es plein de houblon, tu peux danser sur tout, même sur de la samba allemand. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, une chanson qu'interprétait Tony Holliday, un authentique tube allemand sur un air de samba en 1978. Au passage, il a dû en entendre pas mal des sambas, Simon Wiesenthal, citoyen allemand qui est mort cette semaine et qui a passé sa vie à traquer des criminels de guerre nazis en Amérique du Sud. Alors, pour continuer notre exploration au cœur de l'Allemagne, il est grand temps désormais de suivre les nouvelles aventures de nos deux héros, Monique et Jean-Claude. Cette semaine, leur fils Rémi, 15 ans, quitte la France avec sa classe de 3e pour un voyage scolaire en Allemagne, à Baden-Baden. À l'origine, le Jean-Claude s'est fortement opposé à ce projet de voyage scolaire chez les Teutons. Il n'est pas question que son fils aille passer 2 semaines chez les Boches. Jean-Claude, lui, se souvient très bien de son service militaire effectué à Baden-Baden, justement, dans un régiment disciplinaire. Pour lui, rien n'a changé, l'ennemi, c'est l'Allemagne. Du coup, depuis quelques jours, pour plomber l'ambiance à la maison, Jean-Claude fait le malin et ne cesse de chanter. On ira prendre mon linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre mon linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc. Monique, elle, trouve le comportement de son mari inadmissible. Quand elle était môme, pendant quelques années, elle a vécu en Allemagne avec ses parents et elle se souvient très bien. D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face. Où j'ai des souvenirs d'enfance. Lénine Platz et Anatole France. Oui, pour elle, il est évident que son fils Rémi doit découvrir d'autres cultures européennes. L'affaire est tranchée contre l'avis de Jean-Claude. Rémi part en Allemagne. Épuisé par ses querelles familiales, Rémi est fou de joie de partir 15 jours loin de ses parents. Du coup, dans l'autocar qui conduit les élèves de 3e à Baden-Baden, Rémi est survolté à l'arrière du bus. L'ambiance est chaude. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que je choisis. Car on a besoin d'affection dans la vie. Je suis sans famille. Sans famille donc, mais pas pour longtemps. Puisque Rémi est accueilli chez Helmut, son correspondant à Baden-Baden. Les parents d'Helmut, Gerhard et Angela, reçoivent Rémi avec beaucoup d'enthousiasme et ont bien l'intention de le faire progresser dans la pratique de la langue de Goethe. Gerhard ne perd pas de temps et attaque direct. Guten Tag, Rémi, wie geht's? Rémi comprend très vite qu'il ne pourra pas cacher très longtemps son faible niveau d'allemand. Mais bon, cela dit, il s'en fout, c'est un peu les vacances, il est aussi là pour s'amuser et la première journée se passe plutôt bien. Sa prof d'allemand, Frau Pussarli, a organisé la visite guidée d'une brasserie de houblon avec dégustation. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait, bien avant qu'on en redemande. Ça commence bien. La suite n'est pas mal non plus. Rémi se gave de grosses saucisses rouges avec de la moutarde et avec Gerhard, il roule en Mercobenz. Bref, ce voyage, il est magique. Et puis, à la fin du séjour, le jeudi, Tout bascule. Rémi est bouleversé. Alors qu'il traverse tranquillement le salon de Gerhard et d'Angela, il découvre la jeune professeure de piano d'Helmut, Brigitte. Rémi est subjugué. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite. La truite de Schubert. Très vite, Rémi cherche à en savoir plus. Il questionne Helmut, qui lui apprend avec bonheur que Brigitte, elle aussi, n'a pas été insensible au charme du jeune Französisch. Helmut promet alors à Rémi qu'il invitera la Fraulein à la fête qui aura lieu demain soir au lycée avant le départ des Français. Le lendemain, avant la fête, la classe de Rémi doit visiter le musée de la musique traditionnelle du Bade-Württemberg. A priori, rien d'excitant, mais il est content, Rémi, parce qu'il sait qu'il va pouvoir choper des infos pour amorcer une drague avec la jeune prof de piano. Sans surprise, ce musée est assez ennuyeux quand, tout à coup, Rémi surprend une discussion entre Frau Pussarli, sa prof d'allemand, et Herr Schmidt, le proviseur allemand du lycée qui héberge les Français. Ah, j'ai été très seul. Ça m'écoule, et pourtant... Oui, d'accord, mais enfin, une petite minute seulement, parce que je crois vraiment qu'il va falloir que nous rentrions. Ah, ja. Vous me rappelez étrangement une kleine petite bavaroise que j'ai très bien connue, Frida. Elle fait maintenant un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret, le tout accompagné par des harpes. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein? Mais on rigole en même temps. On se bourre des quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. C'est charmant. Je raffole ce genre de soirée. Ah, yeah. Mais c'est fini. Fertig, kaput. Elle en aime un autre et j'ai mes languilles sur fond d'automne triste. On dit ça? Quand on est triste, tout est permis. La soirée franco-allemande s'annonce chaude pour Madame Pussarli. La journée s'achève, la soirée s'amorce, Rémi s'est bien préparé et a répété quelques phrases. Ich liebe dich, meine Liebe. Et surtout, il a appris par cœur une chanson en allemand. Va savoir, ça pourrait servir. La fête bat son plein, mais Brigitte semble totalement ignorer Rémi. Pourtant, sur la base des infos que lui a livré Helmut, Rémi se lance et tente une approche. Schwarzenkat ist die Nacht. Doch ich geb schon auf dich acht, ich pass gut auf dich auf. Bleib bei Nacht nicht allein, lass mich in dein Zimmer rein, ich pass gut auf dich auf. Brigitte ne peut résister à ce grand numéro du petit français et du coup lui roule une énorme pelle. C'est une première pour le fils de Monique et de Jean-Claude, il est aux anges. Mais dans la foulée, Brigitte semble déjà regretter son geste, il est beaucoup trop jeune. Rémi lui demande de rester mais pour elle, il n'en est pas question. Mais je dois m'en aller. Rémi réfléchit et ne se laisse pas démonter. Il interpelle la donzelle et lui rappelle qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. Rira bien, qui rira bien, on verra pour qui les larmes. Prends tes disques, t'es livré mon cœur, je n'ai plus besoin d'eux. J'en aurai moins de rancœur que n'en ont eu les bleus. De France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Au moment de quitter la soirée, Rémi croise à nouveau Herr Schmidt, le proviseur allemand un peu saoul et qui visiblement a dû se prendre un sacré vent avec la prof d'allemand. Le problème, c'est que Rémi ne comprend rien à ce que Herr Schmidt lui raconte. Nachts geh ich dahin. Qu'est-ce qu'il dit? Ich bin allein. Il veut du allein. Und frag warum. Et du vin rouge. Die Tage gehen. Il veut tailler les murs maintenant. Mir nicht aus dem Sinn. Je comprends rien. Und ich frag mich. Ja, ja. Warum? Encore du vin rouge. Rémi laisse divaguer Herr Schmidt et se dit que ce voyage quand même lui aura beaucoup appris, surtout qu'il a embrassé une fille pour la première fois. Alors maintenant, plus rien ne s'oppose à conquérir Joséphine, sa camarade de classe restée en France et qu'il va retrouver très bientôt. Oui, Rémi, il va oser Joséphine. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drap. À qui sourit la vie? Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez plus rien, soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez Joséphine, Alain Bachung en 1991, car plus rien ne s'oppose à la nuit et rien ne justifie de passer ce titre dans une émission consacrée à l'Allemagne. Alors, nous voici arrivés au terme de notre exploration de notre voisin germain, des élections législatives à la Gamelle de Merkel, du salon de l'automobile à Francfort, à la fête de la bière à Munich, de Lisa Razou à Rémy et Brigitte. Nous t'avons dressé un panorama de l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors justement, c'est quoi l'Allemagne d'aujourd'hui? Eh bien, c'est l'un de nos meilleurs amis. Et même si depuis la réunification, l'Allemagne regarde un peu plus à l'est qu'à l'ouest, il n'en demeure pas moins que la construction européenne ne peut se passer du couple franco-allemand. Il faut rester... Pour terminer, nous pouvons nous demander quels enseignements les hommes politiques français peuvent tirer des résultats des législatives allemandes. Le premier enseignement concerne le programme de la droite française. En effet, Angela Merkel a appuyé sa campagne sur la baisse des impôts directs, sur la facilité de licencier, bref, sur un libéralisme musclé. En France, on a aussi notre Merkel, c'est Sarko. Le quotidien Libération de mardi dernier nous rapporte le message envoyé par Sarko, à sa copine Angela après les résultats. La confiance que t'ont témoigné les électeurs allemands confirme que les idées et les valeurs que nous partageons sont justes. Ça a dû lui faire plaisir à Merkel. J'imagine un peu la réponse. Hey, « Eh Zozo, je me suis un peu gamellé, mon score est assez minable et c'est l'autre qui risque de rester chancelier. » Si tu vois ce que je veux dire. Conclusion, l'ultralibéralisme franc du collier, qui nous est présenté comme la panacée, peut être repoussé par le peuple. Second enseignement, pour la gauche française, celui-là, la division, c'est pas bon. Le SPD de Schröder, les socialistes allemands en gros, ont perdu un bon nombre d'électeurs au profit du nouveau parti d'Oscar Lafontaine, le Linkspartei, parti plus ancré à gauche. Conclusion, la dérive libérale qui se cache derrière des réformes, mais qui ne sont en fait que l'acceptation de la domination du marché, ça ne marche pas non plus. Pour nous, le prochain rendez-vous avec les urnes, c'est 2007. Et alors là, on verra bien qui a le mieux retenu sa leçon d'allemand. Voilà, fin